Alors celui qui a fait la hijra pour Allah et son messager, alors sa hijra sera récompensée comme étant pour Allah et pour son messager. Tandis que celui qui a fait la hijra pour la dunya, pour obtenir quelque chose dans la dunya, ou pour obtenir une femme, alors sa hijra lui sera récompensée par rapport à ce qu'il a eu comme intention. Et ce hadith fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les exemples de ce qu'on appelle al-jawami'ul kalim. Et al-jawami'ul kalim, ça signifie des paroles qui sont simples et courtes, mais qui ont des grandes significations et qui sont remplies de sens. Et donc ceci fait partie de jawami'ul kalim. Et c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la capacité de pouvoir dire beaucoup de choses en peu de mots. Et également, ce hadith fait partie des grands fondements parmi les fondements de la sharia, la législation de l'islam. Et donc elle rentre, ce hadith qu'elle rentre et inclut toutes les actions qu'on peut faire, que ce soit dans les adorations ou dans les actions ordinaires qu'on fait de la vie. Et ça comprend également les interactions et les actes surérogatoires et les échanges et tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Et donc il n'y aura pas de récompense pour quelqu'un, peu importe pour l'action qu'il fait, que ce soit une salat ou une zakat ou un jeûne ou un hajj qu'il fait, excepté selon son intention et selon l'intention qu'il a eue. Si l'intention qu'il a eue en faisant qu'est-ce qu'il a fait était pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher son agrément, eh bien il sera récompensé pour ça dans cette dunya et dans l'au-delà. Et s'il n'a pas de récompense dans cette dunya, il aura quand même la récompense de l'au-delà, et c'est la plus importante. Tandis que s'il a fait des actions uniquement pour des récompenses dans cette dunya, et bien dans ce cas-là, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà pour les actions qu'il a faites. Et c'est par l'intention qu'on a dans nos actions que nos adorations sont complètes et que les récompenses de ces actions-là s'accroissent et augmentent. Et elles ne vont s'accroître et augmenter que par le perfectionnement de cette sincérité et de la pureté dans l'intention de l'homme lorsqu'il fait ses œuvres. وَالنِّيَّةُ بِهَا تَمَيَّزَ فُرُودُ الْعِبَادَاتِ مِنْ نَفْلِهَا وَبِإِخْلَاصِهَا لِلَّهِ يَعْظُمُ أَجْرُهَا وَيَفُوزُ الْعَامِلُ بِفَضْلِهَا. L'intention, c'est par celle-ci que le serviteur distingue entre ses adorations. Et c'est par son intention qu'il peut distinguer, par exemple, entre l'action qu'il fait, qui est une action obligatoire, et une action qui fait partie des actes surérogatoires. Comment on distingue une salat d'une autre? C'est par notre intention. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît notre intention, et l'intention est dans le cœur. Et donc il n'y a aucune nécessité ou aucun besoin pour nous de la prononcer à haute voix. Parce que certains parmi les musulmans ont la mauvaise habitude, lorsqu'ils veulent faire une salat ou lorsqu'ils veulent faire une œuvre, de prononcer à haute voix, avant de faire l'action, leur intention. Et de dire, je veux faire deux rak'at pour telle ou telle intention pour Allah. Et les ulama ont mentionné que ça fait partie de des bid'ah. Yani c'est ce que les ulama expliquent, ils appellent at-talaffuz bin niyya. Wa yaqulun an at-talaffuz bin niyya bid'atun min al-bid'ah wa annahu la yajuz wa annahu haram. Et donc en purifiant notre intention pour Allah seul, eh bien on fait en sorte que la récompense qu'on obtient d'Allah subhanahu wa ta'ala sera encore plus grande. Et la personne qui pratique cette action-là, eh bien, il aura les mérites de cette œuvre. Ibad Allah, ركزوا نفوسكم على الاحتساب في كل شيء وإرادة وجه الله، ومرنوها على محبة الخير للمسلمين والنصح لعباد الله، فإن الله لا ينظر إلى صوركم الظاهرة، وإنما ينظر إلى بواطن قلوبكم وأعمالكم وما اشتملت عليه من أحوالكم. Serviteurs d'Allah, concentrez-vous en vos personnes et en vos âmes à rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actions que vous faites, dans toutes choses que vous faites. Et faites des efforts pour rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous faites comme action et comme œuvre, dans chaque mot qui sort de votre bouche, dans chaque geste que vous faites dans votre vie. Ne cherchez que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son agrément. Et calculez avant chaque action et chaque geste et chaque parole votre intention pour être certain que ce que vous faites est pour Allah seul et de le faire correctement. Et pratiquez votre âme et habituez-la à aimer le bien pour les musulmans. Et à la sincérité envers les serviteurs d'Allah, envers vos frères, de vouloir le bien, non pas pour votre propre personne, d'une manière égocentrique et égoïste, mais plutôt de vouloir le bien des musulmans en général, et de sentir concerné pour eux, et de vouloir la sincérité pour eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas seulement vos apparences extérieures, mais plutôt il regarde l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et il regarde votre sincérité. Et il regarde ce que vous faites comme action et ce que vous dites comme parole, si elles sont en accord avec les enseignements de l'islam et les principes de la religion d'Allah. Et donc, concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur vos personnes et sur votre état général et sur tout ce que vous faites comme action et comme ce que vous dites comme parole. Aouadou anfusakum al-ikhlas fi kulli ma ta'touna wa ma tadharoun wa ihtisab al-ajr fi ma tarawna wa fi ma tusirruna wa ma tu'linoun. ليكون الإخلاص لكم قريبا قرينا ليكون الإخلاص لكم قرينا وارتقاب الثواب على الخير لكم عوينا فمن كان مشتغلا بتجارة أو صناعة أو حرفة أو فلاحة أو غيرها من الأعمال فلينوي بذلك القيام بواجب النفس والأهل والعيال فإن ذلك جهاد واشتغال بالواجب وهو من أفضل الأعمال. Recherchez la récompense et la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous faites et dans ce que vous laissez, la pureté dans votre intention, et recherchez la récompense d'Allah dans ce que vous faites devant les gens lorsque c'est divulgué, ou dans ce que vous faites lorsque vous êtes seul et que vos actions sont cachées. Recherchez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous surveille. Et c'est lui qui vous regarde dans ce que vous faites. Et c'est lui seul qui peut vous donner la récompense pour ces œuvres-là. Alors cela va vous aider à faire les bonnes œuvres. Et ça va rester avec vous. Et ça va vous aider à être encore plus bon dans votre religion et dans vos œuvres. Tandis que celui qui est occupé par le commerce, ou par le travail qu'il fait, ou par peu importe qu'est-ce qu'il a comme métier, ou comme par exemple les personnes qui font de l'agriculture, ou qui sont occupées dans les champs, ou peu importe qu'est-ce qu'ils font comme travail, si leur intention en faisant ce genre de travail, c'est de remplir leurs obligations et leurs devoirs envers leur propre personne, envers leur famille, envers leurs enfants, eh bien, cela est considéré comme une lutte, comme un djihad. puisqu'il s'occupe de ses responsabilités et il prend son devoir et il travaille à remplir ce qui est une obligation pour lui. Et dans ce cas-là, cette action-là devient parmi les meilleures œuvres qu'il fait. وَإِذَا أَطْعَمَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ أَوْ مَنْ يَمُونُهُ فَلْيَقْصُدْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِي امْرَأَتِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ كَسَاهُمْ مُحْتَسِبًا كَانَ لَهُ رِفْعَةً وَثَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ. Et ça, c'est une chose que les gens ne réalisent pas parfois. C'est que lorsque tu nourris ta femme, lorsque tu nourris ton enfant, ou lorsque tu nourris ceux qui sont sous ta charge, et que ton intention en le faisant c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que tu mets une bouchée dans la bouche de ton épouse, de ton enfant, tout ce que tu mets dans la bouche de ta famille comme nourriture, tout ce que tu mets sur le comme vêtement sur ta famille, comme parure, eh bien ce sera quelque chose qui va t'élever auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ça. Chaque fois que tu ramènes de la nourriture chez toi pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, que tu les nourris, que tu les vêtis, que tu les mets sous un toit, que tu les protèges du froid, que tu les protèges de la chaleur, que tu les abrites, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ces choses-là. Lorsque ton intention c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses qu'on oublie. وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ إِسْتَرَاحَ يَنْوِي بِذَلِكَ التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ وَعَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فهو في عبادة ومن طلب العلم يبتغي به وجه الله ويبتغي نفع نفسه والمسلمين فهو في جهاد ورفعة وزيادة. Donc si quelqu'un a mangé de la nourriture, il a bu de l'eau, ou bien il a dormi, il s'est reposé parce qu'il sent de la fatigue, mais qu'il a dans ces actions-là l'intention de renforcer son corps pour être capable d'obéir à Allah et de faire l'obéissance d'Allah et les actes d'adoration, eh bien ces actes qui sont des actes ordinaires deviendront pour lui des adorations parce qu'il les fait dans le but de se renforcer et de se faire d'être plus en forme pour être capable d'adorer Allah mieux. Donc même des actions ordinaires de la vie de tous les jours qui sont même nécessaires, que si on ne le fait pas on va mourir, mais avec la bonne intention elles deviennent des adorations, ces actions là et celui qui recherche la science et qui ne le fait que pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour se profiter à lui-même, pour enlever l'ignorance qu'il a en lui et pour enlever l'ignorance qu'il y a chez ses frères musulmans, et bien en cherchant cette science, il est dans un djihad, il est dans une lutte et il est en train de s'élever auprès d'Allah et d'augmenter en récompense. Et même si c'est des sciences qu'il recherche, parmi des sciences qui sont des sciences bénéfiques de la dunya, si quelqu'un apprend une science parmi les sciences bénéfiques des choses de la dunya, la charia d'Allah, ça c'est déjà clair que c'est une adoration de la chercher et d'étudier la religion d'Allah et sa charia et la aqida et le fiqh et le tafsir, toutes ces actions là, ça fait partie des meilleures adorations. Mais même la science de la dunya, celui qui cherche ces sciences et qui veut l'utiliser pour le bien des musulmans, il sera récompensé pour ça. وَمَنْ عَجِزَ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرِ فَنَوَاهُ بِصِدْقٍ فَلَهُ أَجْرُ مَا نَوَاهُ. Celui qui a été incapable de faire le bien, mais que dans son cœur il avait la sincère intention de la faire, Si par exemple tu voulais absolument aller faire le Hajj cette année, mais que tu n'avais pas les moyens économiques pour le faire, et que ton intention dans ton cœur c'était vraiment d'y aller, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la récompense comme si tu avais fait le Hajj. Donc par l'intention, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ton adoration et dans ta vie. Des fois on ne pense pas à ces choses-là. وَمَنْ كَانَ لَهُ عِبَادَةُ خَيْرٍ وَطَاعَةٍ فَمَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا فَمَا أَحَقَّ الْعَبْدُ بِشُكْرِ مَوْلَاهُ. Celui qui fait une adoration habituellement, il a l'habitude de faire une adoration dans sa vie de tous les jours, puis subitement il tombe malade ou il part en voyage et il n'est plus capable de faire cette adoration qu'il a l'habitude de faire quand il est en bonne santé et lorsqu'il n'est pas en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit la bonne action qu'il fait comme s'il était en bonne santé et comme s'il était chez lui. Parce que ce qui l'a empêché de le faire, c'est quelque chose qui sort de son pouvoir. Il était malade ou il était en voyage. Allah, malgré ça, lui écrit les actions comme quand, lorsqu'il faisait cette action-là habituellement. Donc le serviteur doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces et pour tout le bien qu'il lui donne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, ومن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله عنده حسنة كاملة, ومن حرص على فعل المعصية فعجز عنها فهو بمنزلة الفاعل, ومن سعى في خير فأدركه الموت قبل تكميله وقع أجره على الله الذي أكرمه بلطفه الشامل. Que celui qui avait l'intention de faire une bonne action, mais qu'il ne l'a pas fait, eh bien, il aura une hasana complète écrite pour lui par Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne l'a pas faite. Et celui qui a l'intention de faire un péché, mais qu'il l'a abandonné pour Allah, il a dit je vais faire un péché dans son cœur, mais il ne l'a pas fait, il l'a abandonné par la crainte d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit une bonne action complète. Mais celui qui a fait des efforts pour essayer de faire un péché, mais qui a été incapable de le compléter, mais il avait l'intention de le faire, eh bien, c'est comme s'il l'avait fait. Puisque si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas empêché de le faire, il avait l'intention de le faire et il l'aurait fait quand même. Mais celui qui a fait des efforts dans le bien et qui est mort avant d'avoir pu faire le bien qu'il voulait faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense complète, même s'il est mort avant de l'avoir fait, et Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour ça. وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَعَامَلَهُمْ يُرِيدُ الْوَفَاءَ أَدَّاهَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Celui qui prend l'argent des gens et que dans son intention c'est de leur remettre, il emprunte de l'argent avec l'intention de remettre cet argent, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à remettre l'argent, va lui faciliter l'argent pour qu'il puisse repayer sa dette. Tandis que celui qui prend l'argent dans le but de manger le bien des autres et de ne pas leur remettre, ou bien de gaspiller cet argent, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que il n'arrive pas à profiter de cet argent-là. Et celui man tawassala bihilatin ila mu'amalatin muharrama fahuwa mukhadi'un zalim wa man waqafa waqfan aw awsa biwasiyatin yuridu hirmana ghayrihi aw madarrihi مضار رواثه مثلا فهو معتد معتد آثم ومن عضل زوجته ظالما ليفتدي منه نفسها فذلك من أعظم الجرائم. Celui qui utilise un moyen, une ruse, pour essayer de remplir ou de faire une interaction avec les autres qui est haram, mais il ne le fait pas directement, il utilise une ruse, il passe par une ruse pour tromper les gens, pour obtenir qu'est-ce qu'il veut, alors celui-là c'est un traître et un injuste. Celui qui yani, laisse quelque chose, un dépôt, dans le but de priver ses héritiers ou ceux envers qui il a une dette. Il ne veut pas laisser l'héritage à ceux qui le méritent. Donc il donne un dépôt ou un héritage ou un testament à quelqu'un pour priver ses héritiers. Alors c'est quelqu'un qui a commis une injustice. Et c'est quelqu'un qui a commis un péché. Et celui qui est marié avec une femme et qui lui fait du tort et qui la pousse à demander le divorce pour pouvoir justement prendre de l'argent d'elle, alors qu'en réalité il ne veut pas d'elle, il ne veut pas la garder, mais il fait juste lui donner de la difficulté et de lui donner des problèmes pour que ce soit elle qui demande le divorce pour pouvoir obtenir de l'argent en échange, ça c'est un des plus grands crimes. فَطُوبَ لِأَهْلِ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ لَقَدْ انْقَلَبَتْ عَادَاتُهُمْ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ عِبَادَاتِ بالنية الصالحة ويا ويح أهل الجهل والهمم الدنية فقد كادت عباداتهم لضعف النية تكون عادات قال تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أي نعم. Donc bonne nouvelle du paradis est annoncé à celui qui a une motivation élevée à faire le bien. Ses œuvres, qui sont des actions ordinaires, à cause de sa bonne intention, deviennent des adorations. Et malheur aux gens de l'ignorance qui ont des motivations vers les bassesses et vers les choses basses, c'est comme si leurs adorations, à cause de la faiblesse de leur intention, deviennent des actes ordinaires et habituels. C'est comme si c'était des habitudes, leurs adorations. Donc ça, c'est un rappel pour tous les musulmans de l'importance de l'intention et de distinguer entre nos œuvres et nos intentions. Et en même temps, j'en profite à la fin de cette khutba pour mentionner quelque chose qui s'est produit il y a deux jours, c'est-à-dire la mort d'un des grands savants de l'islam de notre époque, le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et c'est quelque chose qui nous montre, en pensant à la mort d'un de ces grands savants de la Ummah, l'importance de nos ulama. Et donc, l'importance aussi en même temps, qui est reliée au sujet dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire de notre intention. Et notre intention dans la recherche de la science et dans la quête de la religion. Parce qu'on ne peut pas apprendre la religion de l'islam sans retourner à nos savants. Puisque c'est eux qui nous ont transmis cette religion. Et sans nos savants, il n'y aurait plus d'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Inna Allah la yaqbidu l'ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Walakin yaqbidu l'ilm biqabd al-ulama. » حتى لا يبقى عالم أو لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري. L'imam al-Bukhari rapporte dans son hadith authentique dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit: Allah ne va pas enlever ou arracher la science des serviteurs directement de leur cœur. Par contre, il va leur enlever la science par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus parmi eux aucun savant. Les gens prendront alors des ignorants. فَأَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. Ils vont prendre des ignorants comme chefs. et comme référence. Ils vont leur demander des questions dans leur religion et ils vont répondre par ignorance et donc ils vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer les autres. Donc, ça c'est un rappel pour nous, puisque nous vivons dans une époque éloignée de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes de science sont peu. Et donc il faut profiter de la science de ces ulama pendant qu'ils sont vivants. Et Abdullah, un des salaf, Muhammad ibn Sirin, disait Inna hadal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette religion, cette science, c'est une religion, c'est votre religion. Prenez garde et vérifiez de qui vous prenez votre religion. Prenez pas votre religion de n'importe qui. On prend la religion des savants. Et pas de n'importe quel savant, mais des savants de Ahl Sunna wal Jama'a, des savants qui suivent la voie des salafs, les pieux prédécesseurs, et qui retournent à la voie des pieux prédécesseurs dans leurs croyances et dans leurs pratiques, et qui suivent la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas les innovations et les gens de l'innovation. Et imaginez-vous, juste pour vous représenter qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un savant meurt, imaginez un homme qui est riche, qui a des milliards de dollars et qui, pendant sa vie, s'occupe de nourrir des milliers de familles. Et il leur donne tout ce qu'ils ont besoin comme nourriture, comme vêtements, comme ils paient leur habitation et tout, pendant des années et des années. Puis, un jour, cet homme riche meurt, alors que c'était lui qui nourrissait toutes ces masses de gens. Hein? N'est-ce pas que ça représente une grande perte? Eh bien, imaginez, ça c'est juste un exemple par rapport à ce que ça peut représenter lorsqu'on a perdu un savant de l'islam, un parmi les savants de l'islam dans cette Ummah. Parce que les savants de l'islam, ils nous donnent beaucoup plus que la nourriture, beaucoup plus que les vêtements, ils nous donnent la nourriture de l'âme, ils nous donnent la science, qui est plus importante pour nous que de manger et de boire. Puisque si on n'a pas la nourriture, si on ne mange pas, si on ne boit pas, on meurt. Tandis que si on n'a pas la science qui vient d'Allah, on brûle en enfer pour l'éternité. Et donc on voit tout de suite la différence entre les deux, et bien entendu ce n'est pas la même chose. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وجميع المؤمنين في جميع الأرض وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج fermez les espaces entre vous faites une ligne droite لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله